Eh bien, je vais vous chanter ce que je chantais quand j'étais en atelier de couture. On n'a pas tous les jours 20 ans, malheureusement. L'atelier de couture est en fête, on oublie l'ouvrage un instant, car c'est aujourd'hui que Marinette vient juste d'avoir ses 20 ans. Trottin, petites mains et premières ont tout apporté des cadeaux. Et Marinette offre au porto, dit joyeuse en levant son verre. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive qu'une fois seulement. Ce jour-là passe hélas trop vite, alors il faut qu'on en profite. Si le patron nous fait les gros yeux, on dira faut bien rire un peu. Tant pis si vous n'êtes pas content, on n'a pas tous les jours 20 ans.